Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire du Nyon-Wendtio, non cédé, à Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, aux médias sociaux, à la co-animation. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Christelle. Je suis heureuse que tu sois là avec moi ce soir. Moi aussi, encore beaucoup. Alors, est-ce que tu voudrais nous résumer ce qui est prévu pour l'émission de ce soir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, on va être reçu premièrement par André Lévesque, Sioui, et Gilles Caron-Coimette du Centre artiste Akwaya Gagné pour nous parler de la discussion « Appréciation ou appropriation », une discussion sur l'appropriation culturelle dans un contexte de création qui aura lieu ce jeudi 15 février à la Charpente des Fauves dans le cadre du Campus Multi. Tout à fait. Et ensuite, on est rejoint par... Déjà arrivée. Ah non, c'est ça! Mais tu nous parles en fait de la soirée de projection des courts-métrages présentés au Cinéma Beaumont hier, qui est intitulée « Cinéma autochtone des Amériques » en collaboration avec Vue et encore le Centre Akwaya Gagné. Et on termine l'émission avec Nicolas Renaud qui nous rejoint par vidéoconférence. Dans le fond, M. Renaud est commissaire de la soirée de projection, mais aussi réalisateur, monteur et conseiller pour certains des courts-métrages qui ont été présentés. Tout à fait. Il va pouvoir nous partager aussi des connaissances plus larges parce qu'il est enseignant, en fait, en cinéma à Concordia. Et il a une connaissance très, très fine, en fait, du cinéma autochtone et du cinéma plus large en général. J'ai très hâte d'avoir cet échange-là avec lui. Merci, Mathilde, de présenter la belle émission de ce soir pour la sélection audio. Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose d'écouter, mais en fait de découvrir un band, on appelle ça Looser Wave Post-Punk de Pologne qui s'intitule Bzdet. On ne sait pas comment prononcer toutes ces choses, mais on va y aller quand même. L'album parle de mauvais premier ministre, mauvaise attitude des gens et le caractère terrible des Viagra Boys. Donc, je ne sais trop de quoi il est question, mais je fais confiance à la sélection musicale de Simon Roy. On écoute la première piste qui s'appelle « Experte ». Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, en studio, avec Julia Caron-Guillemette. Bonsoir, Julia. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci, ça fait vraiment plaisir que vous soyez présente. Je dis vous parce que tu es accompagnée par André Sioui-Lévesque qui nous a rejoint en visioconférence. Bonsoir, André. Bonsoir, Kwe. Heureuse que tu te joignes à nous. Je disais pendant la pause justement qu'on avait raté l'opportunité d'échanger ensemble en ondes lors de la première saison de la programmation de Akwaya Wonky, mais on se reprend. Au début de l'hiver, avec une activité, en fait, qui est inscrite, si j'ai bien compris, dans le campus multi, donc un atelier, une discussion, ça se veut une offre pédagogique, c'est ça? Ben, en fait, ça fait partie de la programmation de l'alliance entre Akwaya Wonky et Vue. Là, c'est dans le cadre du campus multi. Vous allez voir, il y a beaucoup de dans le cadre de. Mais donc, c'est ça. Avec cette alliance-là, on crée toute une programmation d'activités, de discussions, d'ateliers, d'occasions, en fait, pour le milieu culturel, de se repenser à l'aune de cette belle collaboration-là entre un centre Wendat et un centre allochtone de Québec, principalement allochtone de Québec. Et donc, dans ce cadre-là, on a notamment la fameuse discussion, appréciation, appropriation. Donc, c'est vraiment un moment pour réfléchir, pour apprendre, pour se questionner, pour discuter. Hein, c'est une discussion. Donc, on est vraiment... vraiment dans ce contexte-là. Comment vous est venue l'idée? D'où vient le besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été proposé par la communauté ou c'est quelque chose que vous souhaitez partager, vous souhaitez tendre cette main-là vers le reste des autres centres et des artistes ici à Québec? C'est une bonne question. Moi, on m'a demandé si ça m'intéressait d'animer d'être facilitatrice pour cette discussion-là. C'est vraiment un espace de discussion. Hein. On sait que on parlera pas de ce dont on a droit ou on n'a pas droit, mais c'est vraiment plus un espace de discussion où les créateurs, parce que c'est aussi dans le cadre, c'est appropriation ou appréciation dans le cadre de la création, c'est-à-dire C'est pas bon, ben ça y est, on va vous dire ce que vous avez droit ou pas, mais plus qu'est-ce que ça peut faire qu'est-ce que ça fait des deux côtés, hein, de quelqu'un qui est dans le doute de pas savoir comment agir ou quoi faire ou et qu'est-ce qui est bien, puis en même temps, mais c'est ça, donc c'est un espace pour écouter. Fait que moi j'ai dit oui à ça, puis c'était la proposition, peut-être que Julia peut répondre à d'où c'est parti le sujet. Oui, ben justement, c'est intéressant qu'André parle de création parce qu'en fait, la première formation atelier qu'on a offert dans le cadre de l'Alliance, c'était un atelier sur les alliances Wendat. Donc, dans toute cette programmation-là de réflexion avec l'Alliance, on a voulu commencer par, ben, c'est qui les Wendat? Parce qu'il y en a beaucoup qui le savent pas. Donc, on commence avec ça, mais tout en restant dans l'esprit de l'Alliance, de la collaboration, donc apprendre un peu plus de l'histoire Wendat, à travers la lentille des alliances. Puis là, on réfléchissait à plein d'autres potentiels thèmes ou sujets qui seraient intéressants à aborder. Puis on se rendait compte, en fait, qu'on était très peu dans la création. On était dans les enjeux, on était dans l'histoire, on était dans le politique, dans le social. Puis là, on est deux centres d'artistes. Il me semble que ça ferait du bien de parler d'art, de parler de création. Et donc, c'est là qu'on en est venu à ce sujet-là, qui est très sensible, mais qui nous amène quand même dans ce qui nous rejoint, qui est la création. Donc, c'est un peu de là qu'est apparu le thème. C'est une discussion qui avait, pour certains, déjà été entamée dans le cadre du projet d'exposition Yandawa, qui a eu lieu l'année dernière. Donc, ça, entre les artistes participants, les centres participants, il y avait déjà un peu cette discussion-là qui, selon plusieurs, n'avait pas tout à fait été amenée jusqu'où elle aurait pu. Donc, il y a eu cette volonté-là de porter cette discussion-là, de l'amener à d'autres gens aussi, de faire participer d'autres gens à la conversation, puis dans un autre cadre qui est celui de l'Alliance. D'ailleurs, j'ai vu dans la liste des personnes qui vont faire l'animation, peut-être avec toi, André, qu'il y a des gens qui n'ont pas fait partie de Yandawa, qui se joignent en fait à ce jour-ci avec peut-être un autre bagage. Donc déjà là, il y a aussi le désir de diversifier les perspectives. Hein? Oui, c'est ça. Il y aura Sarah Tung Ondo qui sera avec moi pour faciliter la discussion. On a déjà eu un super bel échange ensemble. On a mis nos questions ensemble. On aurait pu passer l'après-midi à parler de ça parce que, Sarah, bon, j'oublie là, de quel... Elle est franco-gabonaise. Voilà, c'était ça ta question. Donc, il y a une perspective, oui, c'est une perspective pour, dans son cas, puis une des invitées aussi qui est celle des gens racisés ou, tu sais, ceux qui héritent de cette histoire de domination, de dominer, puis de, où il y a eu beaucoup d'inégalités et donc c'est des perspectives, qui vont être intéressantes à entendre d'un point de vue autochtone, d'un point de vue afro-descendant, par exemple. Et donc, c'est ça. Juste notre discussion, on se disait qu'on aurait fait un beau panel. mais on va être très, très intéressés de leur envoyer nos questions, puis de voir comment ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils et elles ont à dire aussi. J'ai vu que En fait, j'ai trouvé que la présentation de l'événement était... on n'essayait pas... On sent pas que vous avez tenté de mettre des gants blancs. Hein? C'est appréciation ou appropriation, point d'interrogation. Alors, tu sais, ça part pas dans une logique de confrontation, mais dans une logique de droit au but, j'ai l'impression. Disons les vraies choses, parlons franchement entre nous. J'ai trouvé ça audacieux puis rafraîchissant. Merci, tiens, ouais, parce que ça n'a pas commencé comme ça, en fait, même. C'est Sarah qui... Ça prend des... Moi, je dirais... Il faut quand on porte une histoire où les gens une histoire où leur a manqué de respect, où il y a eu génocide, ethnocide, interdiction de parler la langue, où il y a eu beaucoup de manque de respect, puis de manque d'écoute et de tentative d'annihiler un peuple complètement. Il faut être fort aujourd'hui, forte et droite, pour reconnaître tout ça, puis de pas de ne pas avoir envie de plier l'échine, mm-hmm. De dire justement d'aménager. Et c'est Sarah, je le dis, parce que on nous avait proposé d'autres titres, peut-être justement pour entrer moins brusquement dans le sujet. Et c'est Sarah qui m'a dit, tu sais, André, non. Elle a eu la présence d'esprit, la droiture, je dirais. Elle est assez forte. Moi, c'est droite. Elle connaît son histoire et tout ça, mais je dirais que ça prend beaucoup de confiance. Puis on est en cheminement. Moi, comme femme autochtone aussi, je chemine, puis je me rends compte que quand je suis en terrain de confiance, bien, je sens pas ce besoin de dire les choses aussi clairement, mais en même temps, en discutant avec elle, je voyais bien que ça commence par ça. Ça commence par nommer les choses avec franchise. Et en effet, on n'a pas le point levé. C'est être droite, c'est pas être contre l'autre. Se tenir droit dans ce qu'on porte et dans la vérité, c'est reconnaître. C'est vraiment une reconnaissance, une prise de parole, un espace qui nous a été trop souvent enlevé. Là, c'est un espace de discussion où la parole est redonnée, puis ensemble, on va se parler. Est-ce que, Julia, tu voudrais nous donner plus d'informations sur le déroulement de cette activité-là? Oui. Pour inciter peut-être les gens qui hésiteraient ou qui n'auraient pas prévu de participer à la discussion jeudi, comment ça se déroule? Oui. Comment on peut y prendre part? Bien, d'abord, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du Mois Multi, sur la section, dans la section Campus Multi, il y a vraiment le nom de la discussion qui est là. Sinon, si vous allez sur nos réseaux sociaux, à Vue et à Koyaanké, vous allez trouver les informations et le lien justement vers la billetterie pour s'inscrire. C'est gratuit, hein, je tiens à le dire. On tient à vraiment rendre l'événement accessible. Oui. Mais c'est juste que ça nous permet de garder une jauge du nombre de personnes qui seront présentes. Sinon, c'est de 9h30 à 12h30 à la Charpente des Fauves. Il y aura du café et du thé pour les gens moins matinaux comme moi. Mais ça va être vraiment... on va commencer, en fait, d'abord avec une déclaration d'espace sécuritaire qui est très importante dans le cadre de l'Alliance. Et on va poursuivre ensuite avec les intervenants et intervenantes qui vont justement discuter avec André et Sarah de leurs propres expériences personnelles. C'était très important pour nous au départ de demander à personne de porter le poids d'une communauté complète sur leurs épaules et donc de partir vraiment de leur propre vécu et de partager aussi la discussion à plusieurs épaules, d'où le fait qu'on a 4 invités quand même. C'était important pour nous que ce soit pas une ou deux personnes seulement qui aient toujours à s'échanger. Donc si ça vient trop dur, bien, il y a toujours la possibilité justement qu'une autre personne puisse prendre le relais. Donc, cette discussion-là va avoir lieu, puis ensuite, bien, les gens du public vont être invités à participer à leur tour à la discussion. Évidemment, le tout dans la bienveillance et le respect nécessaire. Donc, poser des questions, apporter des exemples ou des situations. J'aimerais qu'on prenne le temps de nommer vos invités, parce que vous avez une belle liste d'invités. Et c'est pas des petites pointures, donc ça vaut la peine. Certainement. On a Catherine Boivin, qui est Atikamekw Nihiro Wizi. André, tu me diras si ça va, ma prononciation. Donc, qui est une artiste visuelle que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, j'ai vu une performance d'elle et c'est ancré très profondément en moi, pas sur sur le bord d'oublier ce que Catherine fait comme travail. Et Catherine, on peut peut-être le dire qu'elle fait souvent des présentations sur ce qu'est l'appropriation culturelle. Et donc, elle a une longue route là, où elle explique, elle fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là. On a ensuite Marie-Lou Kraft qui parle, qui est plus une artiste de la performance. Elle dit « une artiste des mots de la performance, de l'indiscipline et de la manigance ». J'aime bien sa formulation. Puis elle aussi, comme Catherine, comme André disait, elle a beaucoup participé à des présentations, à des discussions sur le sujet de l'appropriation culturelle. Vraiment une personne qui a beaucoup participé au discours et à la conversation autour de ce sujet-là. On a ensuite Noël Abel, qui est membre de la communauté de Sioux Valley Dakota First Nation. Et lui porte deux chapeaux, en tout cas, qui nous intéressent dans le cadre de cette conversation-là. D'une part, celui de musicien, tandis qu'il est DJ, il a joué aussi dans plusieurs groupes, il a sorti des singles, bref, il y a cet aspect-là de lui, d'artiste, de plus du côté de la musique. Et il porte aussi le chapeau d'agent de programme pour le Conseil des arts du Canada. Donc, oh, wow. De voir passer les dossiers du volet autochtone du Conseil des arts, tous les projets. Donc, lui, il dit qu'il aide les artistes dans la poursuite de leurs projets, de leurs objectifs de carrière, mais ça implique aussi qu'il a vu passer beaucoup de choses qui vont être très intéressantes à aborder dans cette discussion-là, on n'en doute pas. Quelques faux pas ou choses à ne pas faire, hein? Peut-être quelques indications de choses à ne pas faire ou de faux pas à ne pas répéter pour des gens peut-être ignorants ou pas nécessairement mal intentionnés, mais des fois, hein, faut... En fait, faut prendre toutes les opportunités d'apprendre. C'est pour ça que, bon, je vous ai peut-être introduite avec une intention de pédagogie. Moi, je l'ai reçue comme ça, votre invitation, une occasion pour moi d'aller apprendre. J'invite toute la communauté artistique à se joindre. Je te laisse terminer. Oui, c'est juste pour être sûr de pas oublier notre quatrième invitée, Angela Marsh. Oh mon Dieu. Qui est donc une artiste visuelle que vous connaissez peut-être pour la l'œuvre qu'elle a fait sur les plaines d'Abraham, à laquelle André avait d'ailleurs participé il y a quelques années. La friche, merci. J'avais la frime en tête. It's only just a love story, là. C'est juste une histoire d'amour. Oui. Et donc, c'est ça, elle a dit que, justement, elle a créé beaucoup des projets artistiques, écologiques, relationnels. C'est vraiment une recherche qui est dans la réciprocité, dans le vivant. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est intéressant. En tout cas, de son parcours qui va être intéressant. Sûrement qu'on va avoir des belles surprises aussi dans cette discussion-là. Pour Angela aussi, elle est allochtone, hein, mais il y a deux de ses grands-parents qui sont ukrainiens aussi, donc il y a toute la perspective de l'artiste. Pour elle, c'est intéressant même de participer parce qu'elle a des questions pour nous aussi. Et elle a des questions comme artiste, comment faire. On va parler des langues autochtones, on va parler de tout ça. Oui, parce que dans les références symboliques puis la fonction symbolique de l'art, il y a toutes ces cultures-là nécessairement que l'on mobilise pour faire signifiant, pour faire sens, mais comment bien le faire justement, comment le faire honnêtement, verticalement, comme tu nous le disais, André, au départ. Je vous remercie toutes les deux. On va terminer notre entretien, mais on se dit à jeudi matin. Certain. Oui, à jeudi. Tiawink, une amitié à toi. Tiawink. Nous, on part en pause publicitaire avec une nouvelle piste de ce groupe punk polonais et on revient au retour de la pause avec un petit retour sur la soirée de projection cinéma autochtone auquel j'ai assisté hier soir. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, avec Mathilde Harvey-Morin à la console et au DJ. on écoutait une piste du groupe post-punk polonais Bzerk, on ne sait pas comment dire vraiment le titre de leur band, mais bon, voilà. C'est moi qui fais la chronique pour cette deuxième partie d'émission parce que j'ai envie de partager et d'introduire, en fait, le sujet de la troisième partie. J'ai assisté lundi soir dernier, donc hier soir à 19h, au Cinéma Beaumont, à une soirée de projection intitulée « Cinéma autochtone des Amériques », commissariée par Nicolas Renaud, avec qui on va s'entretenir dans la troisième partie de l'émission. La soirée de projection avait été organisée par le Centre Akwayawanke et vue en collaboration avec le Cinéma Beaumont. Et ce n'est pas la première soirée de projection qu'ils organisent. Donc, ils avaient présenté un documentaire cet automne sur l'histoire de la nation Wendat, un documentaire, un long, intitulé « Kanata ». Et la soirée de cours d'hier soir était toute spéciale parce qu'elle était commissariée par Nicolas Renaud et elle se voulait un reflet, en fait, d'une sélection. Ce que Nicolas nous a dit en introduction, c'est que ce sont les courts-métrages qui lui sont restés imprégnés de toutes les années où il a programmé la sélection cinéma du festival Présence autochtone. Donc, c'est un peu le meilleur ou la crème de la crème, ou en tout cas les courts-métrages qui étaient restés très, très marqués en lui. Et à l'écoute des courts-métrages, je comprends pourquoi. La salle était, au terme de la projection, de la soirée de projection, entièrement bouleversée. Une grande vague d'émotions avait pris le public d'assaut. On a tous été extrêmement touchés par la montée narrative que Nicolas avait programmée dans la suite de ces courts-métrages-là, qui étaient tous, en fait, réalisés, scénarisés par des Autochtones d'un peu partout sur l'Amérique. Et pourtant, la récurrence des thèmes et les allers-retours dans les perspectives, la relation au territoire, au colonialisme, à l'histoire, à la culture... tous étaient pris de perspectives différentes, mais parlaient d'une renaissance ou de la résurgence autochtone d'une façon, bien qu'elle soit vraiment spécifique et particulière, ils allaient tous construire en fait un récit avec un très très fort impact. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une chronique sur le sujet. Voici donc un peu plus d'informations sur ces films courts-métrages qui avaient été sélectionnés par Nicolas Renaud. Les cinéastes, comme je vous disais, venaient des quatre coins des Amériques. On a vu présenter d'abord El Camino es Largo de Edgar Sajkaboun, ensuite Empire State de Terry Jones et Govind Dicky, qui est ancré au Niagara. Ensuite, le fabuleux calendrier de Mickey Ottawa. Niños du collectif Grupo Liberación Sin Rodeos, qui sont installés, mais en fait, qui à ce moment étaient au Pérou. Un film de Nicolas Renaud avec Florent Volant qui s'appelle Je rêve en Innu. Ensuite, un court-métrage d'animation d'Amanda Strong intitulé Bidaban, un court-métrage magnifique d'animation, renversant par la grande qualité de son animation, mais aussi une interprétation d'une nouvelle de Léane Bétassamo-Sake-Simpson sur la collecte de sirop d'érable en milieu urbain, mais aussi sur la reconnexion et la ressurgence culturelle de la culture atikamekw. Et on a terminé cette soirée de projection avec un film de Christopher Hutcher, Maintenant plus que jamais, Now More Than Ever, sur les grands totems, le retour des grands totems du peuple Haïda en Colombie-Britannique. Et c'est ce court-métrage-là qui a mis vraiment la cerise sur Sunday, là, pour utiliser une expression pauvre pour démontrer le point culminant de cette soirée de projection. Tous les courts-métrages ne sont peut-être pas disponibles en écoute. Par contre, le fait de les diffuser devant un public qui était réuni pour célébrer la culture autochtone, pour en apprendre davantage, va quand même avoir un impact sur la connaissance, la transmission culturelle. Et je vous encourage à prendre en note le nom des réalisateurs dont Nicolas va pouvoir nous parler plus amplement pour les inscrire à vos listes d'écoute et à vos intérêts personnels. On se laisse pour une pause publicitaire et une courte pause musicale. Et au retour de la pause, Nicolas Renaud nous rejoint pour faire cette entrevue. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. On est en studio à CKRL 89.1 avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Et vient de se joindre à moi Nicolas Renaud. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Tu nous parles de Jojage, Montréal, c'est bien ça? Oui, je suis chez moi à Montréal. Ben, on a eu l'honneur de se rencontrer j'ai eu l'honneur de me présenter hier soir alors que tu étais de passage au Cinéma Beaumont pour introduire et présenter la sélection de courts-métrages lors de la soirée de projection Cinéma autochtone des Amériques que tu as commissarié, j'imagine, à l'invitation du Centre Akwayamonke et de Vue. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, exactement. C'est eux qui ont eu l'idée, puis m'ont proposé de faire une programmation. Alors, ben merci beaucoup d'être venu. hier soir à la projection. Et puis, merci de m'accueillir à votre émission. C'est un grand, grand plaisir. Et je me sens vraiment privilégiée de pouvoir poursuivre la discussion sur les projections que tu nous as présentées hier soir, parce que j'ai été, comme je pense la majeure partie du public, bouleversée par la force des projections, hein, des thématiques et de l'esprit qu'il y avait dans les films présentés. Et la vague d'émotions qui a pris d'assaut les gens dans la salle continue de faire son effet aujourd'hui. Et je suis encore toute sensible, en fait, à la grande beauté que tu nous as partagée. Avant de plonger dans la qualité de la sélection, puis la présentation peut-être un peu plus spéciale des réalisateurs que tu as voulu mettre de l'avant, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un peu une bio ou une présentation, en fait, de ta posture d'artiste, mais aussi de ton rapport au cinéma? Oui, bien sûr. Ben, ce que moi je vois, c'est que on te présente comme artiste visuel, comme cinéaste, comme enseignant, mais tu as fait beaucoup de travail de commissariat aussi. Donc, je te laisserai peut-être choisir la façon de te présenter au mieux. Oui, d'accord. En fait, à la base, j'étais cinéaste documentaire expérimental. J'ai étudié en cinéma, j'ai un bac en réalisation de l'Université Concordia dans les années 90. Mais j'ai fait beaucoup d'installations, des installations vidéo et de l'art visuel un peu plus dans les récentes années aussi. Donc à la base, c'est ce que je fais, mais j'ai, disons que dans mes différentes implications dans le milieu des arts à Montréal, j'ai programmé pendant 7 ans, co-programmé avec un comité de 3, co-programmé la sélection de films autochtones internationaux au Festival Présence autochtone à Montréal. Donc, en termes de commissariat, c'est surtout ça, c'était de faire la sélection des films, des soumissions qu'on recevait, parfois d'aller inviter des films qu'on avait vus ailleurs ou dont on avait entendu parler. Donc, j'ai fait ça de 2013 à 2020. Et puis, depuis 2021, je suis professeur à temps plein à l'Université Concordia en études autochtones. Et je donne aussi un cours qui est croisé avec le programme d'études cinématographiques sur le cinéma autochtone des Amériques. C'est super impressionnant. Hier, tu faisais mention aussi que tu accompagnes peut-être dans le cadre de projets un peu plus spéciaux. Tu mentionnais Hot Docs notamment, certains jeunes réalisateurs, où ça t'arrive de collaborer aussi avec des cinéastes qui amorcent leur pratique ou qui ont besoin d'un regard, d'un appui dans leur création. Ouais, ben c'est des opportunités qui sont arrivées comme ça. Hein. Le projet à l'ONF, c'est Hot House, en fait. Le programme, c'est le nom du programme d'animation où des cinéastes émergents peuvent faire un premier film d'animation au studio d'animation de l'Office national du film. Et puis, avant d'être prof à temps plein à l'université, entre mes propres projets de film et d'art visuel, je gagnais un peu ma vie en étant monteur pour les films des autres, des documentaires, des films d'animation, des projets indépendants en général. J'ai pas vraiment travaillé pour la télé ou d'autres trucs comme ça. Et puis, j'avais eu la chance d'être sur l'édition autochtone de Hot House. La 12e édition était consacrée à des cinéastes émergents autochtones. Donc, il y a eu 3 participants qui ont chacun fait un film d'une minute. Donc, j'avais sélectionné celui de Meki Ottawa, une artiste Atikamekw, dans le programme au Cinéma Beaumont. Et puis, ça a été une expérience enrichissante là, pour moi, mais oui, on était quelques personnes. Donc, moi, le monteur, les productrices, quelques personnes qui agissaient un peu comme conseillers, mentor aussi. Et puis, j'ai travaillé comme monteur avec Carlos Ferrand, cinéaste qui vit à Montréal depuis une quarantaine d'années, mais qui est originaire du Pérou. Et puis, j'ai découvert ses films des années 70 quand il vivait au Pérou et qui allait tourner des documentaires poétiques sur la réalité des communautés autochtones de son pays à l'époque, alors qu'il y avait plein de bouleversements politiques. Donc, j'ai choisi un de ses films qui était dans le programme aussi hier, qui était d'un autre ordre, qui détonnait, puis qui en même temps prenait sa place dans le programme. Magnifique film noir et blanc de 1974, tourné dans un village quechua près de Cusco, dans les Andes au Pérou. Oui. Et j'ai travaillé avec Carlos, monteur, sur certains de ses films récents, dont 13, un ludodrame sur Walter Benjamin, un film essai vraiment, vraiment très intéressant. Puis lui, il a travaillé comme directeur photo sur certains de mes films, dont celui avec les communautés Cree de la baie James autour du projet hydroélectrique de la rivière Rupert. Le film s'appelait La Nouvelle Rupert, que j'ai sorti en 2013. J'ai pas la chance très souvent à l'extérieur des programmations particulières, événements ponctuels ou des festivals récurrents, de voir du cinéma autochtone. Il y a bien sûr le site de l'ONF qui offre une sélection où il faut savoir chercher, mais si on se donne la peine, on trouve. La sélection qui a été offerte grâce à toi, à Kwayawanke, hier à Québec, fait exception dans le paysage de l'offre culturelle. J'imagine que tu as saisi l'opportunité pour montrer des films qui t'étaient chers. Peux-tu nous expliquer un peu comment tu as choisi les courts-métrages que tu as présentés? Oui, tout à fait. Puis par rapport à ce que tu dis sur, disons, la visibilité ou l'accessibilité, ben c'est qu'il y a un couteau à deux tranchants. Depuis quelques années, il y a des canaux, des événements, des plateformes intéressantes qui regroupent l'art autochtone, dont le cinéma, avec des festivals comme Imagine Native à Toronto, à SNAPCA à Ottawa, Présence autochtone à Montréal et d'autres. Ça fait que dans ces festivals-là, à cause de la spécificité du thème, des identités, des artistes, il y a une visibilité accrue des films. En même temps, ces films-là ne circulent pas nécessairement plus dans les autres canaux, par contre. Donc ça, c'est comme ça devient une niche. La sélection, c'est en partie, disons, un segment de mon palmarès des années où je programmais à Présence autochtone, des courts-métrages qui me sont le plus restés en tête, qui m'ont le plus marqué. Et puis ensuite, eh bien, j'ai voulu offrir un portrait vaste de la diversité culturelle autochtone, des idées, des visions du monde, des relations avec la terre, la nature qui se font écho d'une culture à l'autre, qu'on soit en Amérique du Sud ou dans l'Ouest du Canada ou dans les Grands Lacs, on voyait qu'il y avait quand même des correspondances, des échos, des choses qui se recoupent. Même chose quant à l'expérience du colonialisme, c'est-à-dire tout ce qui fait que des États et des sociétés dominantes se sont créées sur les territoires autochtones et ont soumis les cultures autochtones à des pressions d'assimilation, de disparition ou de perte constante de territoire et d'acculturation de toutes sortes de façons. Donc, plusieurs des films montraient à la fois si on peut dire, les blessures culturelles et identitaires causées par le colonialisme, qui demeurent une réalité tout à fait présente. Ce n'est pas un fait historique, c'est la nature des rapports entre la société dominante et les autochtones partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Mais d'un autre côté, les films, plusieurs montraient aussi la survie culturelle, la renaissance culturelle, la reconnexion identitaire. Donc, il y a quelque chose de fort dans l'esprit des premiers peuples, des cultures complexes qui se sont développées sur le continent, qui résistent et qui renaît par des voies parfois mystérieuses, hein, comme on voyait avec le sculpteur de la nation Haïda, Robert Davidson. C'est cette énergie-là qui l'a poussé à sculpter et ériger un totem pour la première fois en près de 100 ans dans son village, comme si il y avait une force des ancêtres qui se servait de lui pour revenir dans le fond. C'est ça que j'essaie de dire. Oui. Donc, l'arc que tu as tracé avec le travail d'autres réalisateurs et même le travail de réalisation que tu as fait avec Florent Volant permettait de pour le public, pour moi, de recevoir un fil conducteur pour passer à travers, comme tu dis, le colonialisme, l'enfance, le territoire, la relation spéciale à la nature, les points de vue aussi sur la nature, le film de Ferrand, Carlos Ferrand, Ferra, oui. Avec ses perspectives en contre-plongée absolument renversante dans les Andes, et puis les pieds des enfants au sol qui vont très vite. On a un sens de l'environnement, des directions, des éléments de la vitesse, en tout cas beaucoup de rapports au monde qui est transmis. Puis on passe avec le travail d'Amanda Strong qui nous donne tellement de clés de compréhension sur qu'est-ce qu'on veut dire par la résurgence autochtone, ce qu'on entend des voix nous parler, celle de l'auteur Léane Betasamosaki Simpson, je pense que j'ai... Oui, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, le concept de juste d'utiliser ce mot-là, résurgence culturelle, a été beaucoup, disons, répandu par Léane Betasamosaki Simpson dans ses livres. Alors, c'était... C'est un bon match d'entendre sa voix, sa poésie dans le film d'Amanda Strong. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis aussi sur les plans, les détails, le rapport à la nature et tout, dans le sens où je voulais que ce soit une expérience des sens aussi, hein, que cinématographiquement, ce soit un trip. Moi, c'est ce qui m'intéresse d'abord au cinéma, c'est que oui, il y a toujours une substance politique, une réflexion, quelque chose, mais c'est du cinéma parce que ça nous prend par les sens, par les tripes, par des expériences visuelles et sonores, et c'est intéressant là, de voir la mosaïque que ça le fait avec tous ces films-là, parce qu'en fait j'aime tous ces films-là individuellement, et je peux dire que ce que j'étais content de constater, puis comme de le vivre avec un public, tout ensemble, c'était que le programme en lui-même fait quelque chose aussi, tu sais, crée d'autres choses, crée une autre couche par l'accumulation puis les échos de tous ces films-là, des fois avec des liens que j'avais même pas anticipés, puis qui m'apparaissaient tout à coup d'un film à l'autre, en les voyant réunis comme ça, parce que j'ai vu ces films-là dans différentes éditions des festivals, je les ai vus ensemble dans un programme. Donc, il y a toujours l'intérêt de voir, pour des courts-métrages, qu'est-ce qu'un programme fait en soi, en plus des films individuels puis de leur qualité. C'était réussi, bravo. Je suis obligée de terminer l'entretien un peu abruptement sur ces paroles-là, Nicolas. Par contre, je vais en profiter pour inviter tout le monde de la communauté à Québec à passer à Méduse au cinquième étage, voir ton œuvre qui est en train d'être, qui est installée, puis dont le cartel est à venir au cinquième étage. Vraiment un bon coup. Je suis contente que tu aies été inclus dans la collection de Méduse et qu'on puisse voir ton travail. Ah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, le travail se compose de deux boîtes lumineuses puis d'un wampum suspendu à la fenêtre. Le wampum, on peut le voir de la rue. Ah, c'est super. Alors, ça marche à l'extérieur. C'est super. Nicolas, je te remercie. Au plaisir merci. De te recroiser. Au revoir. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Nous, on se quitte pour une très courte pause musicale et au retour, on fait l'agenda culturel de la semaine. Bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro pour l'agenda de la semaine. Cette semaine, on cible seulement trois événements, mais trois événements à ne pas manquer. Mercredi 14 février à la Charpente des Fauves, c'est le vernissage de la deuxième partie des expositions du mois multi. Les œuvres présentées dans le cadre du Salon sonore seront en montre du 14 au 18 février. Ce sont des œuvres de Ariane Boulet et Clémence Dumas-Côté, de Rachel M. Scholz et d'Héloïse d'Omer Spinard. Il y a aussi Les Délices de Catherine Bélanger, une œuvre installative interactive en réalité virtuelle qui est issue d'une réflexion sur la rencontre et le don en approfondissant l'intérêt pour les rituels du quotidien, leur immatérialité et la volonté de les préserver. C'est par une immersion dans une soupe populaire où les différents niveaux de réalité se côtoient en tant qu'usagers que nous interagirons avec la communauté et que nous serons habités par toute l'humanité qui existe dans la soupe populaire grâce à la réalité virtuelle. Vraiment hâte de découvrir cette œuvre de Catherine Bélanger. Ensuite, au Musée régional de Rimouski. C'est un peu loin, mais on est très heureuse d'en parler. Il y aura le vernissage jeudi 15 février à 17h de deux expositions de Diane Landry, Mécanique céleste et Les prévisions transparentes. C'est dans les salles 1 et 2 du musée. Diane Landry vit et travaille à Québec. Elle a d'abord fait des études techniques en sciences naturelles. Elle a déjà travaillé dans un centre de recherche en agriculture pendant 5 ans. C'est à l'âge de 25 ans qu'elle prend la décision de devenir artiste en assumant son rêve devenu nécessité. Donc, c'est une carrière de longue durée qui vient ébranler les contextes, les habitudes de création et j'ai très très hâte de voir le travail de Diane Landry. Enfin, on veut plugger ce qui se passe à la Chambre Blanche ce vendredi 16 février qui est en mode 5 à 7, nous invite à venir célébrer le sacré dans le trivial en compagnie de l'invité d'honneur, Lucille Olympe Haute, la veille de sa classe de maître. C'est une soirée qui promet d'être une célébration de l'écriture, de la performance et du rituel à propos d'alimentation, de fermentation, d'espèces compagnes et de biomatériaux. Au programme, lecture performée par Lucille Olympe Haute et discussion ouverte sur les termes de l'écriture, des rituels, de la performance artistique et du cyberféminisme. Lucille est l'auteur du Manifeste des cybersorcières. Voilà, c'est tout ce qui est prévu pour notre agenda culturel. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais on voulait seulement mettre en lumière quelques activités toutes spéciales. L'émission se termine. On remercie nos invités, tout particulièrement André Lévesque-Sioui, Julia Caron-Guillemette et Nicolas Renaud. Et on se dit à la semaine prochaine!